Ceci est une collection de trois drabbles sur le film Maléfique de Disney, tous écrits par Bacabou et lus par 0305. Until We Cry Again. Résumé. Avant, on faisait semblant de pleurer. Maintenant, on fait semblant de sourire. À quoi bon extérioriser tes peurs quand tu peux nier leur existence dans les abysses? Blotties dans les profondeurs de ton âme, elles attendent avec impatience le jour où tes barrières mentales s'effondreront. Pendant ce temps, elles te rongent de l'intérieur, telles des parasites, se languissent de ton anxiété, t'empêchent de te lancer, d'avancer. Tu ne fais rien, remémore les événements comme au ralenti et tu culpabilises. Le regret prend place à la peur, mais il est déjà trop tard. Te voilà noyé dans une boucle sans fin. Il y a un jour qui s'appelle demain. Résumé. Il y a des choses plus importantes que d'autres, mais qu'est-ce qui pouvait bien être plus important que sa vengeance? Les larmes lui montaient aux yeux lorsqu'elle repensait à ce qui s'était passé, mais elle ne coulait pas pour autant. Maléfique était bien trop fière pour pleurer. Elle avait été dépassée par les événements. Cependant, malgré les difficultés, elle se devait de rester forte pour leur faire payer ce qu'ils avaient fait. Ses pensées meurtrières furent interrompues lorsqu'elle sentit une petite main potelée s'accrocher à son index. Tandis qu'elle déposait son regard attendri sur le bébé qui dormait paisiblement dans ses bras, Maléfique sut qu'elle avait fait le bon choix. Après tout, il y a un jour qui s'appelle demain. Sourire. Résumé. Diaval est adorable, maléfique sous le charme. Les sentiments donnent lieu à des fissures qui ne cessent de se répandre sur la surface fragile du verre. Maléfique avait toujours su maîtriser ses émotions. Du moins, elle savait le faire jusqu'à ce que Diaval n'entre dans sa vie et chamboule toutes ses habitudes. Elle était loin d'imaginer qu'un tout petit corbeau puisse avoir autant d'influence sur sa personne. Son sourire fut la première chose qui l'avait captivée. Elle se demandait bien comment il pouvait étirer ses lèvres aussi spontanément. Cela faisait des années qu'elle avait oublié cette sensation. Mais aujourd'hui, elle voulait sourire de nouveau, à ses côtés. Fin. Merci d'avoir écouté.